Chapitre 41. Le lendemain, avant midi, la baronne et moi nous étions chez Madame de Lignolles. Mon médecin ne se fit pas longtemps attendre. Personne n'eût reconnu dans son nouveau costume l'ami du chevalier de Faublas. Ce n'était plus cet élégant jeune homme, étourdi, sémillant, plein de feu, de grâce et d'amabilité. C'était pourtant un joli docteur, galant, mielleux, presque léger, presque charmant, comme ils le sont tous. Il alla droit à Éléonore. « Voilà la malade. Il n'y a pas besoin de me la montrer. Ce que c'est que cette maladie, pourtant, va-t-elle se nicher? Sur une figure et dans des yeux comme ça, je vous demande si ce n'est pas une folie. Il faut bien connaître la malicieuse pour l'aller chercher là. Mais patience, nous la ferons déguerpir. Monsieur le comte connaît la pièce nouvelle, elle ne vaut rien. Je ne l'ai pas vue, je n'ai pas un moment de répit. La foule des malades se jette sur moi. » Au reste, c'est assez naturel. On est là de se faire enterrer par d'autres. Belle dame, voyons le pouls. Ah, la jolie main, la charmante main. Il la baisa. Que faites-vous? Lui dit la comtesse en riant. Oui, répondit-il. Je sais bien que les autres le tâtent, moi je l'écoute. À travers cette peau si fine, je pourrais l'apercevoir. Rosenberg. Belle dame, votre âme est affectée de quelques peines secrètes. Monsieur de Lignolles, docteur, vous vous connaissez aux affections de l'âme? Rosenberg, mieux que personne. Il se mit la tête dans les mains et parut longtemps réfléchir. Puis il regarda la comtesse avec la plus grande attention. D'honneur, s'écria-t-il ensuite, je n'y conçois plus rien. Car enfin, c'est une maladie de fille. Et pourtant, cette jolie personne et madame la comtesse... À monsieur de Lignolles, très bas, mais très distinctement, de manière que nous ne perdîmes pas un mot, « Dites-moi, vous négligez donc beaucoup votre charmante femme ?» Nous ne pûmes entendre la réponse du mari, mais Rosenberg reprit. « Il faut bien que cela soit, car il y a plénitude, engorgement, pléthore complète. Et si vous n'y mettez ordre, la jaunisse infailliblement viendra. Et après la jaunisse, ma foi, vous rendriez la dot, prenez-y garde. » Monsieur de Lignolles, d'une voix altérée, « Je vous assure que ce n'est pas la dot. » Rosenberg à M. de Lignolles. Combien y a-t-il donc que vous êtes marié? La comtesse. Bientôt 8 mois, docteur. Rosenberg. 8 mois? Mais vous devriez être sur le point d'accoucher. Monsieur le comte, vite, un enfant, madame. Un enfant dès ce soir ou je ne réponds plus des événements. M. de Lignolles. Docteur, observez. La marquise d'Armincourt, durement. Point d'observation, un enfant. La baronne, d'un ton caressant. Un enfant à cette petite. « Qu'est-ce que cela vous coûte ?» Monsieur de Lignolles. « Mais... » Rosenberg, d'un ton amical. « Ah, pas de mais, un enfant. » La marquise d'Armincourt, en pleurant. « Hélas, monsieur le docteur, vous lui ordonnez peut-être l'impossible ?» Rosenberg, en montrant la comtesse. « Comment l'impossible? Est-ce que madame ne le voudrait pas ?» La comtesse, les larmes aux yeux. « Je... » Mademoiselle de Brumont se jetant aux genoux de madame de Lignolles, très bas. « Éléonore, songe à moi. » Songe à notre enfant. Oh, madame la comtesse, si vous payez de quelque retour le tendre attachement de votre tante et celui de vos amis et le mien, dites que vous le voulez. La comtesse leva les yeux au ciel, puis les ramena sur moi, et laissant tomber sa main dans la mienne, elle fit entendre avec un profond soupir le fatal « Je le veux ». Rosenberg à monsieur de Lignolles « Elle le veut, qu'avez-vous à dire ?» Madame d'Armincourt avec des sanglots « Qu'il ne le peut pas, le traître !» Rosenberg, qu'il ne peut pas. Voilà ce qu'on ne me fera jamais entendre. La répugnance n'est pas probable. Cette femme est charmante. Ce n'est pas non plus faiblesse physique. Vous êtes toujours jeune encore. Quel âge à peu près? 60 ans? Monsieur de Lignolles, un peu fâché. Guère plus de 50, monsieur. Rosenberg, vous voyez bien. Mais en eussiez-vous le double? Voilà des appâts capables de ressusciter un centenaire. Monsieur le comte, je vais rentrer chez moi vous composer une potion. Ce soir, je vous enverrai le paternel breuvage. Avalez-le-moi d'un trait, et je vous réponds que cette nuit, madame, en aura des nouvelles. Demain matin, mademoiselle de Brumont et moi, nous viendrons admirer l'effet du remède. Il ajouta, d'un ton plus bas, « N'y manquez pas, au moins, cela presse. Ça serait vraiment dommage d'enterrer cette jeune femme et de rendre sa dot. Je vous quitte, tout Paris m'attend. Bonjour, monsieur, votre serviteur, mesdames. » Son départ me soulagea d'un pesant fardeau, car je voyais le docteur de plus en plus s'animer et je tremblais qu'il n'eût déjà trop loin poussé la plaisanterie. L'air satisfait de M. de Lignol et son ton plein de confiance me rassurèrent. Il s'en alla très content de lui. Dès qu'il fut parti, la baronne, qui n'en pouvait plus, éclata de rire. « Où donc avez-vous déterré ce médecin vraiment aimable ?» me demanda-t-elle. « En effet, » interrompit la comtesse, qui riait et pleurait en même temps, « il est bien amusant, votre ami, bien amusant. Il a trouvé moyen d'égayer l'un des plus pénibles moments de ma vie. » La journée, qui fut triste, nous parut néanmoins trop courte. On ne manqua pas d'apporter la potion fatale. Le comte s'en empara d'abord avec avidité, mais nous le vîmes, dès qu'il l'eut goûté, faire une terrible grimace. Il finit même par remettre sur la cheminée le vase, heureusement à peu près vide, et Madame d'Armincourt ne put jamais le décider à boire la petite quantité de liquide qu'il venait de laisser. Le moment cruel arriva. La comtesse se mit au lit quand minuit fut sonné. Je la vis mouiller son traversin de ses larmes, je la vis baiser furtivement la place où ma tête avait reposé la surveille. « Ma chère Éléonore, quel adieu sa voix me fit entendre, et de quel regard elle l'accompagna. Mon âme en fut déchirée. Cet accent plaintif et ce douloureux coup d'œil semblaient également me reprocher l'horrible sacrifice qui devait bientôt s'accomplir. Ma chère Éléonore, elle était pâle et tremblante comme un criminel condamné. Est-ce bien là, cependant? Est-ce là cette femme qui, 6 mois auparavant, disait à son mari d'un ton si décidé « Je le veux ?» Amour, ô tout-puissant amour, quel empire exercez-vous donc sur nos esprits et dans nos cœurs ? Nous n'allâmes point chercher Rosenberg. Il nous avait donné son heure, et nous fûmes chacun de notre côté si exact qu'en arrivant à l'hôtel de M. de Lignol, nous vîmes dans la cour la voiture du médecin. C'était un carrosse de louage, assez bien choisi pour la circonstance. De grands marchepieds à la française, une caisse étroite et longue, une espèce de vis-à-vis gothique, la demi-fortune d'un docteur. Nous rencontrâmes Rosenberg qui montait gravement l'escalier. Madame d'Armincourt vint, les larmes aux yeux, nous ouvrir la chambre à coucher de sa nièce. La nièce, au contraire, se précipita dans mes bras, avec tous les signes de la plus grande satisfaction. Surpris, je lui demandai fort sèchement ce qui pouvait lui causer de si joyeux transports. « Félicite-moi ! S'écria-t-elle. « Applaudis-toi, ce monsieur de Lignol. Il n'est toujours pas changé. Il n'est toujours pas monsieur de Lignol, et moi, je ne suis toujours pas sa femme. Ton Éléonore n'est qu'à toi. » À l'instant même, monsieur de Lignol, qui avait sans doute entendu le médecin, entra, et sans montrer aucune espèce de confusion, il adressa la parole à Rosenberg. « Docteur, l'équilibre n'est pas rétabli. Que dites-vous de cela ? Ce que je dis, que ce n'est pas la faute de mon remède. « Que vous êtes un homme de génie comme on en voit guère. »« Heureusement, » s'écria la tante. « Un homme de génie dont la tête sera toujours étonnante, mais qui du reste demeurera impotent toute sa vie. »« Peut-être aurais-je bien fait de ne pas laisser cela, » reprit le comte en montrant la fiole. « Certainement, vous auriez bien fait. Mais n'importe. Ce que vous avez bu suffirait à 4 littérateurs ordinaires. Et je ne sais pas amuser mes malades. Puisque cela ne vous a rien fait... » « Vous n'en reviendrez point, jamais, vous n'en reviendrez jamais. »« Quoi ? Vous pensez que le cours ?» Le comte fut interrompu par la brusque arrivée de son frère, le vicomte de Lignol, capitaine de vaisseau. L'impatient marin se précipita dans l'appartement de sa belle-sœur, sans attendre qu'on l'eût annoncé. C'était un homme de 5 pieds 10 pouces, gros et fort à proportion, une espèce d'Hercule. Au reste, des cheveux noirs, de grandes moustaches, une longue épée, l'air du monde le plus farouche, tous les gestes d'un grenadier, tout le maintien d'un coupe-jarret. Le capitaine. « Bonjour, frère. Bonjour, tout le monde. » Monsieur de Lignol, d'un ton préoccupé. « Bonjour, mon ami. » À Rosenberg. « Vous pensez que le cours du sang et des humeurs est invinciblement déterminé ? » Le capitaine. « Qui est malade ici ? » Rosenberg. « Madame, votre belle-sœur. » Le capitaine. « Elle est malade, cette femme ? » ?»« C'est peut-être tant mieux. » Corbleu, nous verrons. » La baronne, tout bas à Mademoiselle de Brumont, qui vient de lancer au vicomte un coup d'œil menaçant. « Je crois vous avoir parlé de cet énorme personnage. Sa venue ici ne me paraît pas d'un bon augure. De la patience, et surtout de la modération. » Rosenberg. « Monsieur votre frère aussi n'est pas tout à fait comme il devrait être. » Le capitaine. « Qu'as-tu donc ? » Monsieur de Lignol. « Je n'ai pas d'équilibre. » Rosenberg. « Cela est clair pourtant. » Je vais au reste vous expliquer encore. Le corps de la femme est malade parce que l'esprit du mari se porte trop bien, j'ai ordonné pour la santé de madame qu'elle fît un enfant. » Le capitaine. « Qu'elle fît un enfant ? Ah, à propos, mon frère, sais-tu bien qu'on dit que ta femme n'a pas besoin de toi pour cela ? » Mademoiselle de Brumont. « Voilà un à propos d'une impertinence. Savez-vous bien, capitaine, que si tous les officiers de marine vous ressemblaient, ce seraient de fort vilains messieurs ? » Le capitaine. « Ma petite demoiselle, auriez-vous un frère par hasard ? » Mademoiselle de Brumont. « Eh bien, si j'en avais un ? » Le capitaine. « Quand vous en auriez 30, je les prierais, les uns après les autres, de venir derrière le couvent des Chartreux. » Rosambert au capitaine. « Monsieur, quiconque vous a tenu l'impertinent propos que vous venez de rendre en a menti. Je suis fait pour m'y connaître et tout à l'heure, si on l'exige, je vais signer que madame la comtesse a tout au contraire grand besoin de son mari pour cela. Malheureusement, monsieur le comte n'a pas du tout besoin de sa femme, lui. Pas du tout. Il est constitué de manière que, dans tout son individu, l'esprit l'emporte de beaucoup sur la matière. » Monsieur de Lignol, en se frottant les mains. « C'est pourtant mon génie qui est cause de cela. » Le capitaine. « Corbleu, quel chien de génie ! Je suis fort aise que tu l'aies pris pour toi entier. Car à ce compte-là, tu as eu dès ta première jeunesse du génie. De tout temps, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, de tout temps, mon cher frère aîné s'est montré du côté du beau sexe un fort petit monsieur. » Madame d'Arminecourt, au capitaine, toujours en pleurant mais avec colère. « Puisque vous saviez cela, pourquoi donc avez-vous souffert qu'il prît une femme ? » Le capitaine. « Et pourquoi l'aurais-je empêché de faire un mariage avantageux ? » Madame d'Arminecourt, en fureur. « L'affreux calcul ! » Au comte de Lignol. « Maudit bel esprit ! Je voudrais maintenant que ta femme te fît cocu autant de fois qu'elle a deux cheveux sur la tête. » Le capitaine. « Vraiment ? On dit que l'idée lui en a pris. Mais je la lui ferai bien passer, moi. Je suis revenu en ce pays-ci tout exprès. » Madame d'Arminecourt, au capitaine. « Et toi, monsieur le fier à bras ? Je voudrais que quelqu'un, en jetant un regard sur mademoiselle de Brumont, de ma connaissance, te donna autant de coups d'épée que ma nièce a de 100 000 livres de rente. » Le capitaine, du ton de la menace et en ricanant. « Ce quelqu'un de votre connaissance, dites-moi son nom, bonne femme. » Madame d'Arminecourt. « Bonne femme, son nom, bah, tu ne le sauras peut-être que trop tôt. » Le capitaine. « Corbleu, nous verrons. Au reste, mon frère, tenez-vous sur vos gardes. Lisez cet article d'une lettre que j'ai trouvée en rentrant dans le port de Brest. Tu m'avais dit que ton frère ne pourrait jamais consommer son mariage. Je ne me souviens pas d'avoir dit cela, mais c'est égal, continuons. Comment se fait-il donc que ta belle-sœur soit enceinte ? L'est-elle ? Rosambert, elle ne l'est pas. Le capitaine, à la bonne heure, Corbleu. À son frère. Cette lettre est signée Saint-Léon, un de mes amis, tu sais bien. Bouillant de colère, je prends la poste. J'arrive, je descends chez Saint-Léon. Saint-Léon dit ne m'avoir point écrit. Je lui montre ce papier. Il me prouve que ce n'est pas son écriture, qu'on a seulement voulu l'imiter. La baronne bat à mademoiselle de Brumont. Je crains bien que ce ne soit une perfidie de votre marquise. Au capitaine, voyons cette lettre, en la lui rendant. Si vous êtes un homme raisonnable, je vous demande quelle foi mérite les inculpations d'un faussaire. Le capitaine, en attendant, je vais toujours m'établir ici. La comtesse, dans cet hôtel, il n'en sera rien. Le capitaine, comment, mon frère, je ne logerai pas chez toi ? La comtesse, assurément non, car je ne le souffrirai pas. Le capitaine au comte, tu ne me réponds pas ? Tu ne la fais pas taire ? Ah, tu te laisses mener par une femme, corbleu ! Je voudrais être à ta place, seulement pendant 24 heures. Le mari d'une pigrièche, je lui ferai voir du pays, moi. À la comtesse, là, ne vous fâchez pas. On ne restera point ici malgré vous, mais on se logera dans la même rue. Et comptez que je vous surveillerai. Princesse, comptez que ce ne sera pas ma faute si vous réussissez à devenir une petite catin. » À ce dernier outrage du capitaine, la comtesse devint furieuse, et pour toute réponse, elle lui jeta à la tête un flambeau qui se trouva sous sa main. Je vis l'instant où le brutal allait rendre coup pour coup. De la main gauche, j'arrêtais son bras déjà levé, et de la droite, prenant le géant au collet, je le repoussai si vigoureusement que je l'envoyai chercher à reculons jusqu'au bout de l'appartement un appui contre la croisée qu'il brisa. Cependant le capitaine, assis sur les débris de la fenêtre, me regardait d'un air étonné, se contemplait lui-même avec surprise, riait d'un gros rire et disait « C'est pourtant bien cette morveuse qui du premier coup m'a campé là. A-t-elle des bras de fer, ou ne suis-je plus qu'un homme de paille ?» Enfin il crut devoir se relever. « Adieu, les charmantes dames, adieu, mon pauvre frère, adieu, mon aimable petite sœur. Je me souviendrai de la bonne réception que vous m'avez faite. Corbleu, je ne m'en vais pas loin, et j'aurai l'œil sur votre conduite. Laissez-moi faire. » Il sortit.